17h10, tout pile, on est à l'heure, on est complètement à l'heure et à point pour recevoir Raymond Poirier. Bonjour Raymond. Bonjour. Alors Raymond, alors que je me repère un peu dans mes fiches, Raymond Poirier, bien sûr, je me repère un petit peu, Raymond Poirier, chargé de communication à l'Institut de Technologie de l'Information et Société, autrement ITIS, c'est bien ça? Exactement, l'Université Laval. Et toujours avec vous, bien entendu, pour parler un peu technologie de l'information, voir qu'est-ce qu'en ressort de cet univers-là. Alors justement, tu nous proposes aujourd'hui une réflexion sur le lien qui existe un peu entre la citoyenneté et la société numérique, en gros. Exactement, c'est en lien avec un colloque qui avait lieu la semaine dernière au Musée de la Civilisation, un colloque qui s'appelait « Regard sur le numérique », qui était mis en œuvre par une nouvelle chaire qui est arrivée à l'université, qui est la chaire justement sur les cultures numériques. Et de l'ensemble du contenu de cette conférence, j'ai retenu les réflexions autour des questions de citoyenneté, de société numérique, ce que je trouve qu'autant pour toi, moi, les auditeurs, auditrices, ça implique directement la relation qu'on a avec la technologie et la réflexion qu'on a aussi derrière l'utilisation qu'on fait de cette technologie-là. Et alors justement, à ce colloque dont tu nous parles, il y avait donc des spécialistes, et dont un chercheur, M. Aigrin, qui dénonce, lui, une sorte d'opacité numérique. Oui, en fait, pour te mettre en contexte, j'y vais avec peut-être deux citations. Alors, je vais faire parler plutôt que d'interpréter, surtout qu'ils sont assez limpides. Alors, première citation, on ouvre les guillemets. Il dit « C'est l'activité de programmation au sens large qui est au cœur des activités numériques, même si celle-ci n'est pas nécessairement technique. Donc, la capacité des individus à programmer devrait pouvoir s'exercer à des niveaux très divers, alors que dans bien des cas, l'activité relève du simple usage, alors que l'utilisateur doit servir de programme où cette liberté de programmation est limitée, donc des programmes qui sont verrouillés. » Deuxième citation pour nous mettre en contexte, j'ouvre les guillemets une nouvelle fois, les appareils comme les smartphones et beaucoup d'autres sont à la fois la face visible de l'informatique et ce qui la cache. Le cœur de dispositif de calcul est invisible, au plus se présente-t-il en surface par un autocollant. À l'opposé, les organes périphériques ou boîtiers sont souvent perçus comme l'essence même de l'appareil. Cette opacité explique en partie la difficulté d'une appropriation crédible des appareils. Donc essentiellement, ce que lui veut dire par là... Mm-hmm. C'est on a accès seulement à un certain aspect de la technologie, mais on ne peut pas avoir d'impact autre que dans l'utilisation, donc sur les technologies. Certains pourraient te dire ça nous donne un peu plus de facilité, mais évidemment, malheureusement, cette facilité nous empêche d'aller plus en profondeur dans la connaissance informatique, en gros. Exactement, c'est un peu une question en fait du confort versus une utilisation peut-être un peu plus pointue. Et ce qui fait aussi que si on regarde, par exemple, l'évolution de l'appareillage depuis les années peut-être 80, en anglais, on dirait c'est de plus en plus user-friendly, mais parallèlement, on agit de moins en moins directement sur la machine. Quand on utilisait, par exemple, MS-DOS à l'époque, on rentrait des commandes de texte, on pouvait aller précisément faire à la machine certaines actions, et parfois, il fallait jouer un peu dans du code ou avoir certaines données de programmation pour pouvoir faire à la machine exactement ce qu'on voulait. Donc, tranquillement, ces interfaces qui n'étaient pas nécessairement faciles ont été remplacées par une iconographie, mais par contre, cette iconographie ne nous permet pas aussi facilement de retravailler les programmes, ne serait-ce que légèrement, ou le contexte d'utilisation, et donc ce qui fait qu'on est quand même un peu plus limité, prisonnier un peu de ce confort-là dans l'utilisation qu'on fait des technologies. Exactement, et donc l'iconographie serait en fait pour nous un frein à la découverte du numérique et de l'informatique. Explique-nous, c'est un peu ça en gros? Oui, mais en fait, c'est une question dans le fond d'efficacité. De confort, mais qui limite peut-être un peu l'efficacité programmatique qu'on peut utiliser et qui fait aussi que de plus en plus, c'est ce que M. Aigrin disait, de plus en plus, dans le fond, la machine est pour nous la finalité de la technologie. Donc, comme on n'a pas de lien direct avec la manière dont les choses se passent dans l'ordinateur, eh bien, pour beaucoup de gens, et nous y compris, au bout du compte, ben, l'iPhone, par exemple, c'est l'application qu'on utilise, on clique et on y va et on utilise cette application-là, mais on ne réfléchit pas sans même savoir à comment cette application-là fonctionne et à qu'est-ce qu'il y a derrière l'écran. Au bout du compte, et c'est de plus en plus difficile de le découvrir aussi, en fait, d'experts à une certaine époque, il y a peut-être 30 ans, ben aujourd'hui, pour réussir à ne serait-ce qu'agir légèrement sur cette programmation, il faut être encore plus expert, programmateur, dans le fond, ou d'avoir une plus grande compréhension de ce type de médium-là. Alors, c'est assez particulier comme situation, et donc c'est un premier aspect un peu de cette opacité dans notre relation avec la technologie qui était évoquée. évoqué dans cette conférence-là. Il y a un deuxième aspect aussi, parce que d'un côté, il y a l'appareil, et de l'autre côté, ben, qu'est-ce qu'on fait souvent avec ces appareils de plus en plus pour la mise en contact et le reste? Eh bien, c'est le web, c'est l'Internet, c'est d'aller jouer donc sur les différents réseaux. Et là-dedans, en fait, la question d'opacité, entre guillemets, se pose plutôt dans tout ce qui est question d'accès à la programmation, l'accès aux données. La politique du web. Exactement. Et justement, dans le colloque dont tu parles, Dominique Cardon, c'est un sociologue qui a donné son avis, qui nous a partagé sa réflexion quant à la politique du web au classement. Donc, il parle d'une réflexion quant à la politique du web et au classement des informations, en gros, c'est ça? Oui, exactement. Peut-être pour mettre en place le dessin, il lui parle d'un paradigme que je trouvais extrêmement juste, en fait. Essentiellement, avec Internet, tout est visible. Dans le fond, toute l'information, tout ce qu'on émet est visible et, dans une certaine mesure, avec certains efforts, peut être trouvé. Par contre, il y a eu un renversement peut-être dans la définition de ce qui est public. À une certaine époque, ce qu'on disait d'information publique, c'était l'information qui était visible, que ce soit par les médias, les journaux et le reste. Donc, si on le voyait, c'était public. Mais comme sur Internet, tout est visible, mais tout n'est pas nécessairement public parce que tout n'est pas nécessairement facilement accessible. Donc, la définition de public devient plutôt une question, devient liée à une question d'accès. Ouais. À l'information. Et donc, on est passé d'une période où, pour cet accès-là, pour cette visibilité, pour le côté public, eh bien, on passait par ce que lui appelait des gatekeepers, donc on pourrait dire les gardiens du temple, donc qui étaient souvent les médias qui agissaient comme fil. Dans le fond, recevaient de l'information et la transmettaient par la suite. Et le rôle des médias dans le contexte du web a un peu changé. On n'attend plus nécessairement à ce qui aille chercher l'information, mais plutôt à ce qui trie l'information qui est disponible sur le web. Donc, si on part du principe que tout est sur le web, tout ce qui est sur le web n'est pas nécessairement intéressant. Donc, on s'est placé dans une situation où on doit avoir aussi des gatekeepers qui, dans bien des cas, sont les médias et qui, eux, vont faire le classement de ce qui est pertinent dans toute cette masse d'informations. Alors, justement, le classement, comment il se fait? Par exemple, prenons un exemple très simple. Je me connecte sur Google. Je tape maison. Pourquoi telle information arrive en premier sur la page Google que d'autres? Mais en fait, ça, c'est un système qui a été introduit, qui est révolutionnaire d'ailleurs, en fait, qui s'appelle le PageRank. Et peut-être pour te faire l'historique, en fait, parce que j'aime bien remonter un peu en arrière avant de répondre à ta question, donc on fait un petit détour. Au début du web, dans le fond, quand on utilisait, par exemple, Yahoo, eh bien, c'était un peu un index de sites. Donc, on va sur Yahoo, on met un thème, ça nous réfère à des sites. Et ce classement-là était fait à la main. Il y avait des milliers d'employés Yahoo qui recevaient les sites et qui répertoriaient les sites. Et éventuellement, bon, en 96 et 95, il n'y avait pas tant de sites que ça. Ça restait un objectif du domaine du possible, si on peut dire faisable, mais c'était pas très, très stratégique. Donc, éventuellement, il est apparu d'autres types de moteurs de recherche qui, eux, y allaient plutôt par mots-clés. Donc, si tu tapes « maison », eh bien, ils vont aller chercher les textes dans lesquels il y a le plus de fois « maison » qui s'y retrouve. D'accord. Le problème, bien entendu, c'est que, d'un côté, ça demande au texte de déterminer lui-même sa validité, mais la validité est déterminée par le nombre de fois qu'un mot-clé s'y retrouve. Et on sait très bien qu'on peut taper plein de fois « maison » et que ça ne soit pas nécessairement l'information que tu cherches. Et en tapant plusieurs mots-clés, ben, des fois, ça devenait complexe aussi d'aller chercher justement la bonne information. Et c'était facile aussi à contourner. On utilisait, par exemple, du texte blanc sur fond blanc. On met 300 fois « maison » et on est certain qu'en cherchant ce mot-là, ben, notre page va sortir plus rapidement. D'accord. Et donc, Google, avec son PageRank, s'est posé la question, s'est dit, ben, comment, dans le fond, peut-on déterminer l'autorité d'un texte autrement que par les mots-clés? Et eux se sont dit, il faut laisser les utilisateurs déterminer eux-mêmes l'autorité d'une source. Par contre, bien entendu, il n'y a pas un système de vote, donc ce n'est pas l'utilisateur à proprement parler. Ouais. Ça s'en vient, on en reparlera tout à l'heure. Mais donc, présentement, c'est l'utilisateur émetteur. Donc, exemple, j'ai un site web qui parle d'immobilier, je blogue là-dessus, je produis du contenu, et dans ce contenu-là, je cite d'autres sources qui parlent, elles aussi, d'immobilier, qui elles-mêmes citent d'autres sources et qui peuvent me citer aussi. Et donc, Google utilise ce principe-là. Donc, plus un site est mentionné par d'autres sites, eh bien, plus ce site-là va se retrouver en tête de classement. D'accord, d'accord. Donc, c'est, au fond, c'est correct, disons, c'est-à-dire que ça paraît être une mesure, correcte pour tout le monde, je veux dire, c'est... Sur le papier, c'est génial. Ouais. Sur le papier, c'est génial. Ça fonctionnerait très bien techniquement, mais M. Cardon a dit, signalé qu'il y a plusieurs problèmes, en fait, dans ce système-là, qui fait que de ce système en apparence très fonctionnel, mais finalement, il y a plusieurs travers qui font que, présentement, ça donne un portrait peut-être un peu floué de ce qui se trouve sur le web, et ce qui fait aussi qu'on se retrouve dans une situation aussi difficile pour avoir un véritable accès à l'information que ce qu'on avait avant l'arrivée du web. Présentement, en fait, lui, il a fait la statistique de ce qu'on retrouve globalement sur Google, et il disait qu'il y avait 90% des résultats de recherche qui étaient, sur lesquels 10% des sites avaient de mainmise. OK. Donc, il y a 10% des sites qui dominent le web, et tout le reste partage le 10% restant des premières pages de recherche. Donc, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec une nouvelle situation, lui utilisait le terme d'oligarchie. Bien sûr. Donc, tous les sites ne sont pas égaux dans le rang. Et en plus, question de renforcer cet effet-là, c'est que dans le système d'autorité, tous ne sont pas égaux. Si moi, j'ai un site qui a... peu de clics, qui est peu cité, le vote, entre guillemets, que j'ai en citant d'autres sites est moindre que si j'ai un site qui est majeur dans le domaine, qui lui aussi a des références. Donc, ça peut être pratiquement du 100 contre 1 en termes de valeur de vote. Et donc, ce qui fait qu'encore là, ça renforce peut-être un peu cette oligarchie dont parlait M. Cardon, et dans une mesure en plus où il a identifié que certains allaient même citer principalement les sources qui sont le plus visibles, et éventuellement, à force que ce soit ces sites-là qui soient visibles, qui soient cités, qui se retrouvent en tête de classement, ben, les petits les citent aussi, et c'est ce qui nous amène aux 90-10 dont je parlais tout à l'heure. Donc, ça devient une version peut-être un peu faussée de ce système-là. Là. Et donc, on a très bien compris ce système-là, cette version de classification, et les réseaux sociaux sont entrés en jeu, et Facebook a eu aussi apporté sa manière de faire. Donc, quelle est sa manière de faire Oui, ben en fait, on en vient justement au vote de l'individu, entre guillemets, du moins, c'est ce qui risque d'arriver. Pour Facebook, c'est tout récent, c'est ce qu'on appelle le edge rank. Donc, en fait, plutôt que d'y aller avec un classement d'autorité par le texte ou par les citations, eux, ils vont par un classement de proximité. Donc, si, exemple, je suis ami Facebook avec toi, je réagis aux éléments que tu mets sur ton fil, je réagis aux liens que tu proposes, eh bien, nécessairement, Facebook va assumer que, parce qu'il y a cet échange-là qui est présent, eh bien, que... On est intéressé mutuellement par ce qu'on y propose. Donc, je vais avoir accès plus facilement à ton fil sur mon fil Facebook, et tu auras accès au mien aussi beaucoup plus facilement. Du coup, c'est mieux que peut se proposer Google, car c'est différent. C'est véritablement des personnes qui votent là. C'est des personnes qui votent, mais dans un rapport de proximité. Ouais. Il y a les éléments de géolocalisation qui sont en train d'être qui sont intégrés en fait à Google aussi, qui va identifier que mon adresse IP est au Québec et qui va me proposer des sites du Québec. Donc ça, c'est en cours. Mais du côté de Facebook, c'est vraiment sur un motus de réaction, mais encore là, c'est qu'il y a beaucoup de faces invisibles aussi avec lesquelles on a à composer. Parallèlement, il y a aussi Twitter qui peut être considéré comme une forme d'agrégation, mais vraiment directe, et qui lui est complètement ancré dans l'actualité. Il n'y a pas de classement, c'est simplement de la seconde à la seconde, on génère un contenu. Et ça vient un peu avec Facebook, dans une certaine mesure où il y a beaucoup d'instantanéité, concurrencer aussi les outils de recherche de Google, qui, eux, de par le système de citation, sont peut-être un peu moins adaptés à ce qui se passe dans l'immédiat. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que Google a ajouté son élément actualité qui va plutôt avec les fils de médias, parce que l'agrégateur de recherche et les algorithmes, parce que c'est le terme de ces mathématiques de classement-là, donc ces algorithmes-là sont moins adaptés à l'actualité immédiate. Donc, c'est intéressant. Et on mentionnait également, avec les réseaux sociaux, mais on peut faire les highlights, on peut faire les plus 1 si vous êtes Google Plus et les autres. Eh bien, éventuellement, on peut s'imaginer que Google va les intégrer dans son classement d'autorité et que peut-être, à ce moment-là, nous, usagers, aurons un vote, entre guillemets, sur le référencement de ces sites-là. D'accord. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Eh ben, une petite citation pour terminer. Allons-y, une citation. En fait, c'est simplement pour mettre en contexte et la conclusion en fait de Dominique Cardon là-dessus. Il disait actuellement la perception du fonctionnement des algorithmes, les manipulations dont ils font l'objet, la compétition qui oppose différents types de classements ne font pas partie de la littératie ordinaire des internautes. Et sans doute cette vigilance est-elle indispensable si nous ne voulons pas que l'espace public de l'Internet soit normalisé. Alors il faut comprendre comment ça marche pour savoir comment jouer et comment cette information-là nous est accessible. Exactement. Merci Raymond Poirier. Vous êtes donc, je le rappelle, chargé de communication à l'Institut Technologie de l'Information et Société à l'Université de Laval. On vous retrouve très bientôt, la semaine prochaine. Sans faute. Pour une nouvelle chronique. Merci Raymond.